ويقول الشيخ محمد بن هادي في كلمته: الحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh Mohamed Ben Hadi dit dans sa conférence, il commence en disant: louange à Allah, Seigneur des mondes. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, ceux qui le suivent convenablement jusqu'au jour de la rétribution. Inna al-insana fi hadhihi al-hayat ad-dunya innama khalaqahu Allah jalla wa ala li'ibadatihi wa ta'atihi. Certes, l'être humain, dans cette vie d'ici-bas, Allah ne l'a créé que pour qu'il l'adore et qu'il lui obéisse. والعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى لا تكون مقبولة إلا إذا توافر فيها أمران. Et l'adoration et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être acceptée si ce n'est lorsque quoi seront concrétisées deux conditions. الأمر الأول, la première des choses, la première de ces deux conditions, أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى خالصة. Qu'elle soit donc, que cette adoration et cet acte d'obéissance soit fait pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. يراد بها وجه الله وجه الله والدار الآخرة. On ne recherche par cette adoration que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense dans la demeure, de l'au-delà. والأمر الثاني, et la deuxième des conditions, أن تكون هذه العبادة على وفق ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. La deuxième condition, c'est que cette adoration soit faite conformément à ce qu'Allah a ordonné et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. فَهَذَانِ الشَّرْطَانِ لَا تُقْبَلُ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِمَا. Donc ces deux conditions sont nécessaires, sont indispensables pour que l'adoration soit acceptée. فَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى في جميع أقوالنا وأعمالنا عزيز. Donc, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos paroles et dans tous nos actes, c'est quelque chose de cher. والعبد لا يزال يجاهد نفسه مع نيته. Et le serviteur ne cesse de combattre son âme. Afin de quoi? Afin de corriger et de purifier son intention. An-niyyatu asasun 'azim li qabuli al-'amal. L'intention est une immense base, une base très importante pour que l'acte soit accepté. Qala sallallahu alayhi wa sallam: innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم nous dit: certes, les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé en fonction de son intention. Donc quiconque émigre pour Allah et son messager, alors son émigration sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Et quiconque émigre pour un profit du bas monde, pour un profit mondain à obtenir, ou pour une femme à épouser, eh bien son émigration lui sera comptée pour ce pourquoi il a émigré. معشر الإخوان، نرى كثيرا من الناس أول ما يبدأ يتلبس في ظاهر الأمر بالإخلاص. Chers frères, nous voyons beaucoup de personnes qui laissent apparaître au début, qu'ils sont sincères. ثم تراه بعد ذلك من خلال أفعاله وأقواله فيظهر لك منه نقد دعوة. Puis après cela, tu regardes ses paroles et ses actes et il t'apparaît que ceux qui viennent contredire sa première prétention qu'il était sincère. فَتَرَاهُ قَدْ بَاعَ دِينَهُ. Tu vas le trouver qui va vendre sa religion. فَمَا كَانَ بِالْأَمْسِ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْهُدَى تَنَازَلَ عَنْهُ لِأَجْلِ الدُّنْيَا. Ce sur quoi tu le voyais auparavant comme bien et comme guidé, tu le voyais dans le bien et dans la guidée auparavant, eh bien tu vois qu'il quoi ? Qu'il délaisse ces choses-là, qu'il délaisse le bien et la guidée sur laquelle il était. Pourquoi ? Pour un profit mondain. Comme il ams. Ma kunta tarahu illa ma'a ahli al-haq wal-huda wa ahli sunnah wal-hadith. Hier, tu ne le voyais qu'avec les gens de la vérité et de la guidée, avec les gens de la sunna et du hadith. Wal yawm qad inqalabat al-umur inda. Et aujourd'hui tu vois que quoi, que les choses ont changé pour lui, qu'il a tourné, qu'il s'est détourné. فتراه على خلاف حاله الأولى. Tu vois donc dans un état autre que celui sur lequel il était dans ses débuts. فبعد أن كان مع شيوخ السنة والأثر. Après qu'il était, après qu'il fut avec les savants de la sunna. إذا بك تراه يجري لاهثا خلف الدنيا. Alors qu'auparavant tu le voyais avec les savants de la sunna, aujourd'hui tu le trouves en train de courir et de s'essouffler afin d'obtenir quoi ? De la dunya, un profit du bas monde. فَيَمْشِي مَعَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ مِمَّنْ نَعْرِفُهُمْ بِالتَّحَزُّبِ وَالْبِدْعَةِ. C'est-à-dire que tu vas le voir, il va marcher avec un tel ou un tel parmi les personnes qui étaient bien connus pour leur égarement et pour leur innovation. وليته عند هذا الأمر يقف بل يتجاوز بعد ذلك ليبرر لنفسه هذا الباطل فيقع بلسانه الحاد في علماء السنة والحديث. Et malheur à lui qu'il ne s'arrête pas. Mais il dépasse encore, il va encore plus loin que cela. Afin de quoi ? Afin de s'innocenter et afin de légitimer son acte, tu vas le trouver qui quoi ? Qui va lâcher sa langue. Sur quoi ? Sur les savants de la sunna et du hadith. Shuyukhuhu bil ams. Il va lâcher sa langue sur les savants. Donc il reconnaissait les mérites auparavant. فَتَرَاهُ طَعَانًا وَقَاعًا فِيهِمْ. Tu le trouves donc qu'il les critique et qu'il les dénigre. هَذَا مَتَى. إذا وصل إلى ما يريد من أولئك الذين انضم إليهم. À quel moment il va être comme cela? Lorsqu'il aura obtenu ce qu'il voulait auprès des gens avec lesquels il s'est affilié, avec lesquels, les gens auxquels il s'est rattaché. Une fois qu'il va obtenir d'eux ce qu'il voulait, là il va lâcher sa langue sur les savants du hadith avec lesquels il était auparavant. Il obtient un profit mondain, ou des profits mondains. Fabil Hams, Soualoukun Namalala. Hier, c'était un pauvre qui n'avait rien. واليوم سيارة فاخرة وشقة. Hier c'était un pauvre qui n'avait rien. Et aujourd'hui, mashallah, une belle voiture, un grand appartement. وكل غير ذلك. Et bien d'autres choses. حصلت له الدنيا. Il a obtenu certaines choses du bas monde. La ville du Mokabil Imad, en échange de quoi? Du Mokabil Anba'adina. En échange de quoi? D'avoir vendu sa religion. Ba'adina. Fataraka sunna. Wa ahlaha. Wa rakiba bid'a. Wa sahiba ahlaha. Il a vendu sa religion en délaissant la sunna et les gens de la sunna. En se rattachant et en tombant dans l'innovation et en se rattachant aux gens de l'innovation. Puis après cela, il vient et il amène des prétextes. Il donne des prétextes pour s'innocenter. Des prétextes sataniques. فأول ما يبدأ يقول هؤلاء المتشددون. Donc il commence comment? En disant ces gens-là, ils sont trop durs. هؤلاء المشايخ المتشددون. Ces savants-là, ils sont trop durs. هؤلاء عندهم غلو. Ces gens-là, ils ont de l'exagération. هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس. Ces gens-là, ils n'ont rien d'autre que quoi que de critiquer les gens, de parler sur les gens. هؤلاء خالفهم غيرهم. Ces gens-là, il y a d'autres paroles, il y a d'autres avis sur la question. وهكذا, et ainsi de suite. حتى ينسلخ من دينه. Jusqu'à ce qu'il quoi? Jusqu'à ce qu'il sorte de quoi? De la religion sur laquelle il était, de la sunna sur laquelle il était. فيعود أشد ضررا على السنة وأهلها من المبتدع الأصلي. Et à ce moment-là, il devient encore plus dangereux et plus néfaste que l'innovateur, qui était innovateur à la base. وهذا الكلام لا نقوله رجما بالعين ولا جزافا. Cette parole, nous ne la disons pas, en nous basant sur des conjectures et des suppositions. وإنما من واقع التجربة وواقع الأحداث على مدار 25 سنة. Mais nous disons cela avec l'expérience. Et avec la réalité des faits, sur une durée de 25 ans, Rubrapam, Raina Hadakulla, un quart de siècle, nous avons vu tout cela. Yata'allalu ba'duhum, illam af'al hada, rubbama lahiqani ad-darar fil jami'a, ou fil mu'assasa, allati ana fiha. Et il prétexte pour faire cela dans son délai. l'accomplissement de la sunna et des gens de la sunna, il prétexte quoi? Que si je ne fais pas cela, je subirai des préjudices dans l'université dans laquelle je suis ou dans l'organisation dans laquelle je suis, dans l'institution dans laquelle je suis. Il dit, si jamais je ne délaisse pas les gens de la sunna et je ne me fais pas ami avec des gens de la bid'a, je subirai des préjudices dans l'université dans laquelle j'étudie ou dans l'institution dans laquelle je suis. Na'am. وإذا بالحقيقة على خلاف ذلك. Il dit cela alors qu'en réalité c'est tout à fait le contraire. الحق أنه لا ضرر عليه. La réalité, c'est qu'il ne subira aucun préjudice. Et donc, il se fait une interprétation de lui-même. وَبَابُ التَّأْوِيلِ بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا. Et le chemin de quoi? De l'interprétation. C'est un chemin qui est très large. On peut aller loin avec les interprétations, avec les fausses interprétations. مَا لَحِقَهُ دَرَرٌ. Il n'a pas subi de préjudice. لَكِنْ يَتَخَيَّلْ أَنَّهُ سَيَلْحَقُهُ دَرَرٌ. Il n'a pas subi de préjudice, mais ce n'est que son imagination. Il s'imagine que s'il ne réagit pas comme il le fait, il va subir un préjudice. Farahimallahu salamun as-salih. Donc qu'Allah fasse miséricorde à nos pieux prédécesseurs. Haythu fatinu lihada wa shaddadu fihi ghayat at-tajdid. Qu'Allah fasse miséricorde à nos plus prédécesseurs qui ont été perspicaces et intransigeants dans ces choses-là. Et anna mitla hada yakunu dararan ala al-akharin in baqiya ala al-sunnah. Car ce genre de personnes, ils représentent un danger pour les autres personnes de la sunnah. Si jamais il reste dans la sunna, cette personne-là, si jamais cette personne-là reste dans la sunna, mais qu'il se fait ami avec les gens de la bid'a, eh bien cette personne-là est un danger pour les autres gens de la sunna. يَكُونُ حُجَّةً لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْإِنْحِرَافَ. Pourquoi? Parce qu'il sera une excuse et un prétexte pour tous ceux qui veulent dévier du droit chemin. هذا إن بقي هو على السنة. Ça c'est si jamais lui-même il reste sur la sunna. أما أكثر من ذكرت. Mais la majorité de ceux que je viens de citer, le chef dit, فالغالب أنه ينتهي أمرهم إلى أهل الأهواء. Mais la majorité d'entre eux, ils finissent par quoi? Ils finissent par devenir des gens de l'innovation et de la passion. روى المرودي رحمه الله عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. المرودي rapporte الإمام أحمد رحمه الله دخل عليه في مرضه يحيى بن معين. Donc الإمام أحمد رحمه الله alors qu'il était malade de la maladie de laquelle il mourut, le grand imam Yahya ibn Ma'in est entré dans la chambre de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, rahmahullah, nous disons, il était malade, il était sur son lit, allongé. Et l'imam Yahya ibn Ma'in est entré. Fasallama alayhi. Et Yahya ibn Ma'in a salué l'imam Ahmed. Falam yaruddu alayhi salam. L'imam Ahmed, rahimahullah, ne lui a pas rendu le salam. Wa kana Yahya ma'a imamatihi قد أجاب في محنة الخلق في محنة خلق القرآن. يحيى بن معين malgré son haut rang dans la sunna et dans l'islam, il avait répondu, il avait obéi lors de quoi? Lors de la tentation, lors des troubles qu'il y avait eu à l'époque de l'imam Ahmed en ce qui concerne la création du Coran. Et à cette époque-là, les Mu'tazila, qui est une secte égarée, qui ont des similitudes avec la secte des Khawarij, des Tekfiri. Donc, les Mu'tazila, à cette époque-là, ont amené une ambiguïté aux gens en disant que quoi que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Et ils ont réussi à emmener avec eux dans cette ambiguïté le gouverneur de l'époque. Et donc le gouverneur de l'époque a ordonné à tous les savants et à tout le peuple de prendre cette croyance que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah ne parle pas. Et il persécutait les gens. Pourquoi? Pour qu'ils prononcent cette parole que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah. Beaucoup de personnes obéissaient par peur de quoi? Par peur des sanctions et des persécutions. Certains ont tenu jusqu'à ce qu'ils ont été tués pour être restés sur la croyance des gens de la Sunna que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Et parmi ceux qui ont obéi au gouverneur dans cela, il y avait l'imam Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in avait quoi? Avait prononcé cette parole afin de quoi? Afin d'être préservé de quoi? De la persécution. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, lui, par contre, était resté ferme. Imam Ahmed, rahimahullah, était resté ferme jusqu'à ce qu'ils ont réuni autour de lui 10 bourreaux. Et chaque bourreau devait lui mettre 10 coups de fouet pour qu'il prononce cette parole. Mais l'imam Ahmed, rahimahullah, est resté ferme et il a supporté tous les coups de fouet. Et de temps à autre, il perdait connaissance à cause de la violence des coups de fouet. Et alors le gouverneur disait, laissez-le un instant. Puis quand il revenait à la raison, le gouverneur lui disait, dis que le Coran est créé. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, toujours de répondre, amenez-moi un verset ou un hadith, et je le dirai. Mais tant que vous ne me ramenez pas ça, je ne le dirai pas. Et il reste à faire. Jusqu'à ce que le gouverneur, avec tous les coups qui lui ont été mis à l'imam Ahmed, rahimahullah, le gouverneur a eu peur que quoi que l'imam Ahmed allait mourir, alors il a ordonné de le laisser, de le faire retransporter chez lui, et de le laisser. Enfin, l'imam Ahmed, rahimahullah, lui est resté ferme, malgré les persécutions. Et il avait pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala, de ne plus parler aux grands imams de l'époque qui avaient répondu, qui avaient obéi au gouverneur dans cette parole, dans cette innovation, dans cette ambiguïté. Pourquoi est-ce que l'imam Ahmed rahimahullah avait décidé de ne plus parler aux grands imams de l'époque qui avaient répondu et qui avaient obéi au gouverneur dans cela? Parce que le fait que ces grands imams et prononcer cette parole-là, ça a mis beaucoup de gens de la masse dans l'erreur. Car les gens de Damas suivent les savants. Si les savants restent fermes sur la vérité, alors les gens du peuple, les gens de Damas sauront que la vérité n'est pas ce à quoi on les appelle. Mais si certains savants acceptent et prononcent cette parole-là, alors les gens disent, bah, si ces savants-là, hein, ils sont d'accord avec le gouverneur, ça veut dire que cette parole est vraie. Donc c'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah avait décidé de ne plus passer le salam et de ne plus parler aux imams qui avaient répondu à cette fitna. L'imam Ahmed rahimahullah ne lui a pas rendu le salam. À qui? Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in. Il faut savoir que Yahya ibn Ma'in était très dur envers les innovateurs. Et c'est pour cela que le cheikh dit « Man ka Yahya ibn Ma'in ?» Le cheikh Mohamed ibn Hadi, en rapportant cette histoire, il dit « Et qui aujourd'hui est comme Yahya ibn Ma'in ?» Dur envers les innovateurs. Et malgré que Yahya ibn Ma'in était dur envers les innovateurs, l'imam Ahmed rahimahullah ne lui a pas passé le salam, il n'a pas répondu à son salam. Non. À cause de ce que je viens de vous raconter comme histoire par rapport à la tentation de la création du Coran. فأخذ يحيى يعتذر. Yahya ibn Ma'in, il a commencé à quoi? Lorsque l'imam Ahmed ne lui a pas rendu le salam, il a commencé à lui apporter, hein, certaines excuses pour dire qu'il était dans son droit de répondre et d'obéir au gouverneur dans cela. Yahya ibn Ma'in akhada yahtadir ila Ahmed wa yaqul ya Aba Abdillah hadithu Ammar alaysa yaqulu Allah azza wa jal illa man ukrih wa qalbuhu mutma'innun bil iman falam yaruddu alayhi Ahmed. Donc Yahya ibn Ma'in, il commence à présenter des excuses à l'imam Ahmed. Et il lui a dit, « Oh Abu Abdillah !» C'était la cunyat d'imam Ahmed, c'était Abu Abdillah. Il lui a dit, « Oh Abu Abdillah !» Le hadith de Ammar, qui est bien connu, Ammar ibn Yasir, lorsque les mouchriquins l'ont attrapé, lui et ses parents, et qu'ils les ont menacés de les persécuter et de les tuer, si jamais quoi, si jamais il n'insultait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère et son père sont restés fermes et ont été tués. Ce sont les deux premiers martyrs de l'islam. Ils ont refusé d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que les associateurs les aient assassinés. Et Ammar, voyant cela, n'a pas supporté. Non. Et il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, il a trouvé Ammar en train de pleurer. Et Ammar qui disait, ils m'ont forcé à t'insulter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment trouves-tu ton cœur? Et Ammar de lui répondre, je le trouve plein de la sérénité de la foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, s'ils reviennent te forcer à m'insulter, alors insulte-moi encore. Tant que dans ton cœur tu réprouves cet acte-là, fais-le. Donc Yahya ibn Ma'in, il rapporte, il dit à l'imam Ahmed, le hadith de Ammar, qui sous la persécution, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans son cœur, il ne voulait pas cela. Et moi, ce qui veut dire Yahya ibn Ma'in, c'est que moi, sous la menace de la persécution, j'ai répondu à ce qu'ils m'ont demandé. Et dans mon cœur, je réprouvais cela, tout comme Ammar. Et puis lui, il dit également à l'imam Ahmed, Allah n'a-t-il pas dit, sauf celui qui est contraint, alors que son cœur est plein de la sérénité de la foi? Mais l'imam Ahmed, rahimahullah, ne lui a pas répondu à ces prétextes qu'il a avancés. Ou Asha'a bi wajhihi ila janib al-akhar ila al-jidar. Et l'imam Ahmed s'est tourné, lui a tourné le dos et il s'est mis à regarder vers le mur. Il a tourné le dos à Yahya ibn Ma'in. Il n'a même pas regardé Yahya. Il n'a même pas regardé Yahya. فخرج يحيى وهو يقول اوف نعتذر اليه ثم لا يقبل منا والله يقول الا من اكره. Donc يحيى بن معين est sorti de chez l'imam Ahmed en disant pff. يعني on vient, on lui présente des excuses et il n'accepte pas. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sauf celui qui a été contraint. Donc, Yahya ibn Ma'in est sorti énervé contre l'imam Ahmed. Faqa'ada 'ala al-bab. 'Ala bab l'imam Ahmed. Et il est resté devant la porte de l'imam Ahmed. Car il était entré avec cette personne. Donc, il est resté à la porte de l'imam Ahmed. Attendre de quoi que ces personnes-là sortent. Les personnes avec qui il était venu visiter l'imam Ahmed. حتى خرج أبو بكر المروذي jusqu'à ce qu'Abu Bakr al-Marrudi est sorti. فقال له يعني يحيى قال لمروذي ماذا قال أحمد هل قال بعد شيئا. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? A-t-il dit quelque chose une fois que je suis sorti? فقال المروذي نعم. المروذي le dit oui. Yahya ibn Ma'in a dit, qu'a-t-il dit? Khal, sami'atuhu yaqul, hadith Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Yani yastankir, yastankir ala Yahya. Donc, Al-Marrudi dit, j'ai entendu l'imam Ahmed dire, hadith Ammar, sauf celui qui est contraint, hein, alors que son cœur est plein d'affaires, c'est de la foi. Il reproche ça à Yahya de prendre ça comme prétexte sur ce qu'il a fait. Oumakal, l'imam Ahmed, Inna Ammaran, radiallahu an, qad ja'a fi hadithihi, inni marartu alayhim, yani al-mushrikin, fasami'tuhum yasubbunak, wa yashtumunak, fanahaytuhum, wa zajartuhum, an dhalik. فضربوني. Dans le hadith de Ammar, l'imam Ahmed dit, il a rapporté que Ammar a dit, je suis passé, Ammar lorsqu'il parle au prophète, il dit, je suis passé à côté des associateurs et je les ai entendus en train de t'insulter. Alors je leur ai interdit cela et je les ai blâmés. Et lorsque je les ai blâmés, ils m'ont frappé. Ils l'ont frappé, ils l'ont persécuté jusqu'à ce qu'ils l'ont forcé à quoi? À insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi. C'est ça qui s'est passé dans le hadith de Ammar. Ammar, il les a entendus insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a interdit cela, il les a blâmés. Il a interdit l'acte blâmable, l'acte répréhensible. Et à la suite de cela, ils l'ont persécuté jusqu'à ce qu'ils l'ont forcé à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Ahmed rahmallah continue, il dit wa antum qila lakum sanadribukum fa ajabtum. Donc Ammar, l'imam Ahmed il dit Ammar, hein, il a dit pourquoi qu'il est passé à côté des mouchriquines et qu'il les a entendus insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il leur a interdit ça et qu'il les a blâmés. Et qu'à la suite de ça, ils l'ont frappé, ils l'ont persécuté. Jusqu'à ce quoi, ils l'ont forcé à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que vous, ils vous ont dit, nous allons vous frapper. Et ils ne vous ont pas frappé. Ils vous ont simplement menacé et vous avez répondu à leur appel. Il y a une différence entre les deux situations. Madoritum, vous n'avez pas été frappé. Faqala Yahya ibn Ma'in. Parce que Yahya ibn Ma'in a entendu cela. Donc, Al-Maroudi lui a rapporté donc cette parole que l'imam Ahmed a dit. Faqala Yahya ibn Ma'in. بعدما سمع هذا لله لله درك يا احمد مر يا ابا عبد الله والله ما تحت اديم السماء احد افقه منها من احد من احمد donc Yahya ibn Ma'in lorsqu'il a entendu cela il a dit quoi نعم يعني il a fait les éloges de l'imam Ahmed il a dit oh pardon oh Abu Abdillah par Allah Il n'y a personne en dessous de ciel. Il n'y a personne qui soit plus savant dans la religion d'Allah que toi. C'est un échauffe. Elle part. Ammar darabou. Barda al ankara alayhim. Donc vous voyez bien la différence. Ammar, ils l'ont frappé après que quoi? Après qu'il les a blâmés. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاد فعود. Et c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit si jamais il recommence, alors toi aussi recommence. Refais de même. أما أنتم قالوا سيضربونكم فأجبتم مباشرة. Tandis que vous, ils vous ont simplement dit nous allons, dans le futur, nous allons vous frapper. Et vous avez répondu directement. فهذا الذي يقول سيضرونني donc cette personne pour revenir à notre cas qui dit que quoi que oui si jamais je ne me fais pas ami avec ces gens-là de l'innovation hein, ils vont me porter préjudice ils vont me causer préjudice فيذهب معه مباشرة et donc il part avec eux directement فيبيع دينه بدنيا et il prend sa religion pour un profit mondain Et le chef veut dire que quoi qu'il est dans la même situation que quoi que Yahya ibn Ma'in. Que quoi que ce ne sont que quoi que des imaginations. Il s'imagine qu'ils vont lui porter préjudice. Fanzur ila al-'adl wal-insaf 'inda Yahya ibn Ma'in. Et voyez bien l'équité et la justice et l'objectivité de Yahya ibn Ma'in. Après que quoi que El-Maroudi lui a rapporté ce que l'imam Ahmed avait dit, ce que l'imam Ahmed avait répondu à ses arguments, par lesquels il prétextait son acte et il légitimait son acte, une fois qu'il a entendu la parole de l'imam Ahmed, il a compris qu'il était dans l'erreur. Et donc il a fait les éloges de l'imam Ahmed, rahimahullah. Hada wal fiqh. C'est cela la compréhension. وهؤلاء باعوا دينهم ودنياهم لأمور تخيلوها ففسد دينهم ودنياهم. Et ces gens-là, ils ont vendu leur religion. Pourquoi? Pour leur bas monde. À cause de quoi? À cause de choses dont ils se sont, à cause de choses qu'ils se sont imaginées. Et donc, ils ont perverti leur religion et leur vie d'ici-bas. فلا بقي لهم الدين ولا قامت لهم الدنيا. Donc ni ils n'ont gardé leur religion, ni leur sunna, et ni non plus, ils n'ont réellement obtenu réellement quelque chose sur terre. فذهبوا مع أهل البدع والتحزب. Ils sont partis avec les gens de l'innovation. وتلطخوا بأوبار الحزبية والبدعة. Ils se sont souillés. Ils se sont salis avec les souillures de l'innovation. وتركوا إخوانهم وشيوخهم. ثم صاروا مع هؤلاء. Ils ont délaissé leurs frères. Ils ont délaissé leurs frères de la Sunna. Ils ont délaissé les savants de la Sunna. Ils sont partis avec ces gens-là, les gens d'innovation. وقد كان السلف كما جاء ذلك عن الشعبي رحمه الله يقولون لا تسألوا عن المرء بعد ثلاث. Et les salaf disaient, comme ceci a été rapporté de l'imam al-Sha'bi, rahimahullah, qui disait, les gens disaient, les salaf disaient, la tas'alu an al-mar'i ba'da thalath. Yani, ne pose plus de questions, ou ne t'interroge plus sur l'état d'une personne après trois choses. Mamsha, wa madkhalahu wa makhraja. وإلى من يجلس يعني ne t'interroge pas sur l'état d'une personne après trois choses. Avec qui il marche, chez qui il rentre et chez qui il sort, et avec qui il s'assoit. Ceci a été rapporté par l'imam al-Sha'bi, rahimahullah, qui disait que les salafs ne se posaient plus de questions sur une personne après ces trois choses. Ils regardaient avec qui il marche, avec qui il rentre et il sort, et avec qui il s'assoit. وقد جاء في قول الشاعر عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. Ne t'interroge pas sur l'individu, mais regarde quel est son compagnon, car toute personne suit son compagnon. فهؤلاء يبيعون الآجلة بالعاجلة. Donc ces gens-là, ils vendent la vie future par la vie présente. وَأَمْرُ الْإِخْلَاصِ مَعْشَرَ الْإِخْوَانِ أَمْرٌ عَظِيمٌ. Donc la question de la sincérité, chers frères, est une question très importante. وَالْإِخْلَاصِ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْإِنسَانُ بِعَمَلِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةِ. Et la sincérité, c'est que l'homme ne recherche à travers son acte que la satisfaction d'Allah et la vie de l'au-delà. فَيَسْتَقِيمُ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى. Donc, il se tient droit dans la vérité et dans la guidée. وَلَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ صَارِفُ. Et rien ne peut l'en détourner. هَذَا هُوَ الثَّبَاتُ الْحَقِيقِ. C'est cela, la vraie fermeté. Celui qui est ferme, c'est cela. Ensuite, le chir dit فَبِاللَّهِ عَلَيْكُمْ لَوْ أَنَّ أَحْمَدْ بِهَذَا الْعَصْرِ وَفَعْلَ مِثْلَ هَذَا بِيَحْيَ بْنِ مَعِينَ مَاذَا يَقُولُ عَنْهُ هَؤُلَاءِ. Mohamed, il dit, je vous demande par Allah, si l'imam Ahmed rahimallah sera à notre époque, et qu'il ferait cela avec quelqu'un comme Yahya ibn Ma'in, qu'est-ce que ces gens-là qui sont en train de critiquer les savants de la Sunna, en train de dire qu'ils sont durs, qu'est-ce que ces gens-là diraient sur l'imam Ahmed? يقولون عنه متشدد. Indirect de quoi? L'imam Ahmed est trop dur. غالي عنده غلو. C'est quelqu'un qui exagère. الشيخ عن نور الدين ويقولون عنه وعن أمثاله هؤلاء ما عندهم إلا الجرح في الجهة الشعلوية في شعلوية في سلطة الإمام أحمد رحمه الله ces gens-là, نعم, ils n'ont que quoi que la critique, ils ne connaissent que la critique. مع أن الذين يفسدون اليوم أكثرهم معموس وإن انتسب إلى السنة أكثرهم مدعو فيه وإن انتسب إلى السنة. Alors que quoi que la majorité de ceux qui sont comme ça aujourd'hui, la plupart d'entre eux, sont des gens qui sont infiltrés dans les rangs de la Sunna, dans les rangs des gens de la Sunna, même s'ils s'y apparentent. Et la plupart d'entre eux sont des gens, hein, sur lesquels il y a beaucoup de choses à revoir. وَلَا نَرَى شِدَّةَ أَلْسِنَتِهِمْ إِلَّا عَلَى أَهْلِ السُنَّةِ. Et nous ne voyons la dureté de leurs paroles que sur les gens de la Sunna. وَبِالْمُقَابِلِ يَعْتَذِرُونَ لِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَيُدَافِعُونَ عَنْهُمْ وَيُبَرِّرُونَ لَهُمْ بَاطِلَهُمْ. Et d'autre côté, tu les vois qui quoi ? Qui trouvent des excuses aux gens d'innovation. Ils défendent les gens d'innovation. Il justifie les innovations des gens d'innovation. Et avec les gens de la Sunna, la rahma, pas de miséricorde. À la moindre erreur, on te descend. Ça, c'est avec les gens de la Sunna. Et avec les gens de la bid'a, avec les gens d'innovation, non. Attendez, peut-être qu'il a une excuse, peut-être qu'il a une mauvaise compréhension. Il faut patienter avec lui. فَمَرَةً يَقُولُونَ إِنَّهُمْ سَلَفِيُّونَ. Donc des fois ils vont dire sur ces gens d'innovation, dont l'innovation est claire, ils vont dire, non, ces gens-là ce sont des salafis. وَأُخْرَى يَقُولُونَ لَا نَسْتَطِعُ إِخْرَاجَهُمْ مِنَ السَّلَفِيَّةِ. Et d'autres fois ils vont dire, non, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas les sortir de la salafie. On ne peut pas dire que ce ne sont pas des salafis. On ne dit pas que ce sont des salafis, mais on ne dit pas qu'ils sont sortis de la salafie. Et ce genre de paroles. Et donc le cheikh dit, فَتَّسَعَتْ صُدُورُهُمْ لِهَاؤُلَا وَلَمْ يَسْلَمْ السَّلَفِيُّونَ مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ هُمْ. Donc leurs cœurs ont été larges envers ces gens-là, ces gens d'innovation. Alors qu'avec les salafis, alors que les salafis n'ont pas été préservés de leur langue. فهذا الصنف هم الذين الخطر فيهم أشد على السلفيين من أهل الأهواء والبدع. Donc ce genre de personnes, leur danger sur les salafis est plus grand que le danger des gens d'innovation. Ceux qui sont parmi les salafis. Et qui trouvent des excuses aux gens d'innovation et qui n'en trouvent pas pour les salafis. Ces gens-là, leur danger sur les salafis est plus grand que quoi ? Que le danger des gens d'innovation. Donc prenez garde à eux. Faites attention à eux, chers frères. احذروهم كل الحذر. Soyez très prudents vis-à-vis de ces gens-là. فإذا رأيتم من يصدر عنه مثل هذه المقالة فلا يتسع صدره لأهل السنة ولا يعتذر لهم ويتسع صدره للمدعون فيهم ويعتذر لهم فهو والله كذاب. Donc si vous voyez des gens qui ont ce genre de comportement, qui ne trouvent pas d'excuses et ne cherchent pas d'excuses aux gens de la Sunna, mais par contre, qui trouvent des excuses aux gens d'innovation, eh bien sachez que ces gens-là sont des kazzabs, sont des menteurs. فهذه طريقة أحمد مع أهل الأهواء والبدع. Vous avez vu là un exemple de quoi? De la voie sur laquelle était l'imam Ahmed rahimahullah et le comportement qu'il avait vis-à-vis des gens de l'innovation. وهذا موقفه مع أهل الأهواء من أهل الأهواء والبدع بل موقفه من أئمة السنة الذين تأولوا فلم يقبل منهم لأنه خاف على أهل السنة الضرر بسببهم وهم من أهل السنة. Donc vous avez vu le comportement d'Imam Ahmed rahimahullah vis-à-vis des gens d'innovation. Mais carrément, vous avez vu le comportement d'Imam Ahmed envers des grands imams de la Sunna qui ont fait des efforts d'interprétation, qui se sont trompés dans leur effort d'interprétation. Mais l'Imam Ahmed rahimahullah n'a pas accepté cela de leur, n'a pas accepté cela d'eux, car il a eu peur pour les gens de la Sunna. Que le mal les touche à cause de quoi? De ce comportement que certains imams de la Sunna ont eu. Et ce sont des imams de la Sunna. Malgré cela, l'imam Ahmed Rahmanda a eu ce comportement envers eux. Comme nous avons dit, car il a eu peur pour les gens de Damas. Ils suivent ces imams dans quoi? Dans l'innovation et dans l'égarement. فكيف بالمبتدع الواضح؟ Donc, qu'en est-il de l'innovateur qui est clair, quelqu'un qui, à la base, déjà, ce n'est pas quelqu'un de la Sunna. وكيف بالمشكوك فيه والقرائن تحوم حوله على أنه ليس بسلفي. Et que dire de celui sur lequel il y a des doutes, il y a des indices qui montrent que quoi? Que cette personne-là n'est pas un salafi. Et à cause de cette personne-là sur laquelle il y a des doutes, ou bien à cause de cet innovateur, hein, qu'est-ce qu'on voit? Une division entre les gens de la Sunna. À cause d'un innovateur, on voit quoi? Une division entre les gens de la Sunna. Vous voyez, t'as un bisam abini qui a les Sunna. Et à cause de cet innovateur, des gens de la Sunna sont critiqués. Vous voyez, Romain, on avait connu Tamir. Bisam abini. Ils sont accusés de tout, de toute obscénité et de toute abomination. À cause de quoi? À cause de cet innovateur. Un innovateur qui n'a rien à voir avec les gens de la Sunna, il vient, il sème la quoi? La discorde entre les gens de la Sunna. Est-ce que ceci est normal? Al-Sunni al-Haqiqi, huwa alladhi la yaghdabu li shay'in min al-bid'ah. Donc, le vrai sunnite, c'est celui qui ne s'énerve pas lorsque quoi? Lorsque les innovations et les innovateurs sont critiqués devant lui. Il a kunta indahu, il a dhukira al-mubtadi' wa tu'ina fihi wa khuddira min as-sunni yafrahu bidhalik ma yaghdab. Si jamais tu es avec lui, le vrai sunnite, si jamais tu es à côté de lui et qu'un innovateur est critiqué, ou qu'on met en garde contre un innovateur en sa présence, le vrai sunnite, quoi? Il est content, il est heureux de ça. Non pas parce que quoi? Parce qu'on a critiqué une personne. Nous n'avons rien à faire de la personne. Ce n'est pas la personne en elle-même que, à qui nous en voulons. C'est pas pour, elle dit, quelque chose de dunya. Ce n'est pas pour une question de quoi? De ce bas monde. Mais c'est pour l'égarement auquel il appelle. Et l'égarement dans lequel il plonge la communauté. Et c'est pour cela que lorsqu'il est critiqué, eh bien ceci quoi? Ceci empêche son innovation de se propager et empêche beaucoup de gens d'être égarés. Et c'est ainsi qu'est le sunnite. Le vrai sunnite, il veut que tous les gens soient guidés et que personne ne soit égaré. Et c'est pour cela qu'il est content lorsqu'un innovateur est critiqué et lorsqu'on met en garde contre un innovateur. Pourquoi? Parce que c'est une manière, non? Les gens de la sunna ferment la porte à l'innovation afin qu'elle ne se propage pas dans la communauté. وَهَذِهِ رَحْمَةٌ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَلِأَهْلِ الْبِدْعَةِ. Et ça, c'est une miséricorde que les gens de la sunna ont envers les gens de la sunna et envers les gens d'innovation. Envers les gens de la sunna, c'est clair, je pense. Envers les gens d'innovation, pourquoi le fait de mettre en garde contre un innovateur, c'est une miséricorde pour lui que les gens de la sunna ont? Qu'on met en garde contre un innovateur. D'une, pour qu'il cesse. Également, pour limiter son mal. Et lorsqu'on limite son mal, eh bien, ce sont des péchés en moins qu'il se prend. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, afin qu'ils supportent, afin qu'ils portent leur fardeau et une part du fardeau de ceux qu'ils ont égarés sans science. L'innovateur, hein, comme ceci est venu dans le hadith, man da'ila balala, kana lahu min al-wizri, mithla ujur, mithla awzari man tabi'a, duna an yanqusa dhalika min awzarihim shay'a. Celui qui appelle à un égarement, Il portera également tous les péchés de ceux qui l'ont suivi dans cet égarement, sans que cela ne diminue en rien leur péché à eux. Donc quand il appelle à une innovation, tous ceux qui vont le suivre, ce sont des péchés en plus qu'il se prend. Et lorsque toi tu mets en garde contre lui, eh bien tu diminues de ses péchés. Mais la majorité d'entre eux ne savent pas. Mais la majorité d'entre eux ne raisonnent pas. La majorité d'entre eux ne raisonnent pas. Pourquoi? Parce que la passion, lorsqu'elle entre dans le cœur, eh bien, elle emmène l'homme au fin fond de l'enfer. Donc le chef nous dit que le sunnite, hein, il se réjouit lorsque l'on met en garde contre les innovations et contre les innovateurs. La yardom li shay'in min al-bid'a. Il ne s'énerve jamais pour défendre les innovations ou les innovateurs. Si tu le vois qu'il s'énerve, lorsque les gens de l'innovation sont critiqués, si tu vois qu'ils s'énervent, eh bien sache que cette personne-là n'est pas un sunnite. Cette personne-là n'est pas un salafi. Celui qui s'énerve pour défendre les innovateurs ou les innovations, cette personne-là n'est pas un sunnite et n'est pas un salafi. Mais elle voit Kabzab, mais c'est un menteur lorsqu'il prétend faire partie des gens de la sunna. Et c'est ceux que nous vivons aujourd'hui. Ces gens-là, leur sincérité est éprouvée. Leur sincérité est éprouvée. Donc voilà la voix des gens de la sunna, des savants de la sunna. Et voici la voix des savants parmi les salafs. Donc celui qui suit cette voie, lui est un sunnite et un salafi. Et celui qui contredit cette voie, ce n'est pas un salafi, qui qu'il soit. فأنا أوصيكم معشر الإخوان بالإخلاص لله تبارك وتعالى. Donc je vous exhorte chaque frère à être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. وأن يكون مقصد العبد في جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته ومواقفه أن يكون مقصده وجه الله والدار الآخرة. Donc que chacun d'entre vous, dans toutes ses paroles, dans tous ses actes, dans tous ses comportements, dans toutes ses positions, qu'il recherche par la quoi ? La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi ? Et la récompense de l'au-delà. La yajri salama min an yatakallama fulanun fihi. Non pas qu'il prenne donc ces positions-là, non pas pourquoi ? Pour être préservé de la parole des gens sur lui. Et ni pour obtenir un profit mondain, mais qu'il soit sincère, mais qu'il soit sincère dans ses paroles, ses actes, ses comportements et ses positions. Et si Allah subhanahu wa ta'ala sait ça de lui, qu'il est sincère dans toutes ses paroles, dans tous ses actes, dans tous ses comportements, dans toutes ses positions, si Allah sait ça de lui, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est bien sûr omniscient et qui connaît ses créatures avant même de les avoir créées, si Allah subhanahu wa ta'ala voit cela de toi, et bien par Allah, sache que quoi, que la bonne fin sera pour toi sur terre et dans l'au-delà. الآن نسمع الهجمة الشرسة على سور الإسلام والسنة الحصين الذي حمي به الإسلام وأهل الإسلام وحميت به السنة وأهلها. Aujourd'hui, nous voyons un assaut hargneux sur la muraille de protection de l'islam et de la sunna. Cette muraille par laquelle l'islam et la sunna ont été préservés. Cette muraille par laquelle les musulmans et les sunnites, salafites, ont été préservés. Rujoum ala hadha sour. Cette muraille a été prise d'assaut afin de la détruire. Ils veulent détruire cette muraille qui protège l'islam et la sunna, qui protège les musulmans et les gens de la sunna. Quelle est cette muraille ? Hadha sour al-azim. Cette immense muraille, hiya aw huwa hijran ahli al-bid'ah. C'est la mise en quarantaine des gens de l'innovation. Al-hajr. Fa nahnu fi hadhihi al-awina nasma'u al-kalam al-shadid 'an hadhihi al-mas'ala. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de paroles dures dans cette question. Et malheureusement, ces paroles que nous entendons proviennent de personnes qui s'apparentent à la sunna. Certains parmi eux disent, aujourd'hui on ne peut plus pratiquer le hajj, la mise en quarantaine. Ce n'est plus d'actualité. Idhan mata. Alors à quel moment on va appliquer le hajr ? Le jour où il sera soufflé dans la trompe ? إذا نفح في الصور. هذا كلام باطل. Quand est-ce que cela va être pratiqué? Le jour où il sera soufflé dans la trompe. Ceci est une parole fausse. وآخر وهو يتلبس بالسنة ويتظاهر بها ينكر أن يكون الهجر فوق ثلاث لأهل الأهواء والبدع. Un autre, parmi ceux qui se disent faire partie de la, des gens de la Sunna, il réfute que le Hajj, plus de trois jours pour les gens d'innovation, fasse partie de la Sunna. Yunkiru Dalik, il dit que ceci ne fait pas partie de la Sunna, le fait de quoi? De faire le Hajj, de s'écarter des gens de l'innovation. Il dit que ceci fait partie des. Il ne fait pas partie de la Sunna. والمؤسف ليس هو هذا. Et ce qui est encore plus malheureux, ce n'est pas cela. المؤسف من يوجد يدافع عنه. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est quoi? C'est ceux qui viennent pour défendre cette personne-là. وليته إذا دافعه هؤلاء عن هذا الداعي سلم منهم أهل السنة. Et malheur à eux. يعني, si encore les gens de la Sunna seraient préservés de leur langue, ces gens-là qui défendent cet innovateur, cette personne qui dit que le Hajj ne fait pas partie de la Sunna, يعني, si encore les gens de la Sunna seraient préservés de leur langue, mais non. يذهبون يتعنون في أهل السنة. Ils viennent critiquer les gens de la Sunna. ويا محنة الإسلام والسنة ويا غربة أهل السنة بين هؤلاء والله الموعد. Et donc le cheikh dit, il implore Allah subhanahu wa ta'ala, il implore Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il se plaint auprès d'Allah de quoi? De l'épreuve que la Sunna est en train de subir et que les gens de la Sunna sont en train de subir. Et l'étrange, le fait c'est quoi? Qu'aujourd'hui la Sunna est étrange chez les gens. Et il dit, mais certes, entre tous ces gens-là, entre les gens de la Sunna et ceux qui les contredisent, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que sera le rendez-vous. إن البعد عن أهل الأهواء لا يكفي فيه مجرد البعد. Ensuite le cheikh dit, sachez également que le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, il ne suffit pas simplement de quoi? De s'écarter par le corps. لا بد معه من البعد لأهل الأهواء. Mais il doit y avoir également quoi? Le mépris des gens de l'innovation. Non seulement tu t'écartes d'eux, tu t'éloignes d'eux par le corps, mais également dans ton cœur, tu les détestes. Chacun selon le degré de son innovation et de son égarement. Bawaba Abu Daoud, puis Sunané, l'imam Abu Daoud, Rahimahullah, dans ses Sunan, dans son livre Sunan, son recueil de hadith, il a mis un chapitre. قال باب هجر أهل الأهواء وبغضهم باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. Le chapitre sur le fait de s'éloigner des gens de l'innovation et de les détester. ثم ساق تحته الأحاديث. Puis il a cité dans ce chapitre plusieurs hadiths parmi lesquels أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني L'anse la plus solide de la foi, c'est quoi? C'est l'amour pour Allah, aimer pour Allah et détester pour Allah. Et bien d'autres hadiths. Abu Daoud, rahimahullah, s'il a intitulé son chapitre ainsi, c'est pour une raison bien précise. Il n'a pas dit simplement le fait de s'éloigner des gens d'innovation. La miakul faqat, babu hajri ou mujanabati ahli al-ahwa. Il n'a pas simplement dit chapitre sur le fait de s'éloigner des gens d'innovation. Mais zada fihi wa bughdihim. Il a rajouté et de les détester. Et le chien va nous expliquer cela. فالهجر الحقيقي الكامل مع البعد لابد ان يكون بالقلب. Donc, la vraie mise en quarantaine du vrai hajr correct, c'est quoi? C'est de s'éloigner d'eux avec en plus, hein, c'est quoi qu'il y ait dans le cœur? Quoi? Le mépris de ces gens-là. Finalement, quand يبتعد عن المبتدع خوفا على مصلحة دنيوية وإلا قلبه معه. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui s'écartent de l'innovateur par peur. Hein? Ils s'écartent de l'innovateur par peur. Par peur d'être assimilé à lui. Ils recherchent un profit mondain. Hein? Il y a des personnes qui peuvent s'écarter de l'innovateur, parce qu'ils ont peur, alors que quoi que dans leur cœur, ils sont avec lui. Voilà, Bouddha Mahajbourg, Minalbourg. Donc, avec l'éloignement, par le corps, il doit y avoir également quoi? Le fait de les détester dans le cœur. والدليل على ذلك أنه أول ما تسمح له بالفرصة تجده مع المبتدئ. Et comment tu vas savoir que cette personne-là n'était pas sincère lorsqu'il s'est éloigné du Mubtadi, de l'innovateur? C'est que dès qu'il va avoir l'occasion, tu vas voir que quoi? Qu'il va revenir vers cet innovateur qui va être avec lui. Il va rester avec lui. Fa'idhan, la Bouddha ma'a al-Bourd, wa al-Hajr, la Bouddha min al-Bourd ilahu. Wa bihada al-Hajr. والبغض لأهل البدع حمية السنة وحمية أهل السنة. Donc, le chef dit, c'est avec donc l'éloignement vis-à-vis des gens d'innovation, le fait de s'éloigner d'eux, et avec le fait de les détester dans le cœur, comme nous avons dit, chacun selon le degré de quoi de son innovation, c'est avec cela que quoi? Que la sunna et que les gens de la sunna ont été protégés et préservés de l'égarement. Une autre parole parmi les gens qui amènent des ambiguïtés sur la question du hajr. Man yaqul el hajr إذا كان في مصلحة إذا كان فيه مصلحة للمهجور فنعم وإلا فلا. Des gens qui disent le hajr, la mise en quarantaine, elle ne s'applique que lorsque quoi qu'il y a un intérêt pour qui? Pour celui qui est mis en quarantaine. À ce moment-là, oui, on fait le hajr. Si jamais ça va améliorer son état, alors oui, on lui fait le hajr. Et si jamais ça ne va pas améliorer son état, alors, on ne lui fait pas le hajr. Ça, c'est aussi également une ambiguïté qui est propagée actuellement. Cheikh dit, Anikaanna, innama nurid, al-rajul al-ladhi hajarna, amma maslahatana, maslahatuna nahnu, wal-hifaz ala abnaina, wa ala abnaï sunnati wa tariqati salafiyya, wa zajruhum an wakhalatati mubtadi', fala yadilluna bisababi, hada babun akhar, la yultafat ilayh. Comme si on ne recherchait par le hajr que l'intérêt de celui à qui on le fait. et que nous, notre intérêt à nous, et l'intérêt de nos enfants, l'intérêt de nos frères salafis, et le fait de quoi de les empêcher de se mélanger à cet innovateur pour qu'il ne s'égare pas à cause de lui, ça, on ne doit pas y prêter attention. Notre intérêt à nous, et l'intérêt des frères salafis, des frères qui débutent, pour eux, on ne doit pas y prêter attention, ne prête attention qu'à cet innovateur. Donc si lui, qu'on va lui faire le rajah, ça va améliorer son état, il va revenir à la sunna, alors on lui fait, et si jamais ça ne va pas améliorer son état, alors on ne lui fait pas. Cheikh Souleymane al-Ruhayli, Hafizahullah, qui est également un cheikh de Médine, qui est très connu également, il a expliqué, en ce qui concerne le Raja, dans une conférence, il a expliqué qu'il y a quatre intérêts qui doivent être pris en considération. Il y a quatre intérêts qui doivent être pris en considération. Le premier, celui de l'innovateur. L'intérêt de celui à qui on fait le Raja. Deuxièmement, Masrahatul Hajir, l'intérêt de celui qui va lui faire le Hajj. Thalithan, Masrahatul Al-Aharid, troisièmement, l'intérêt des autres. Rabi'an, Masrahatul Din, wa Sunnah. L'intérêt de quoi? De la religion et de la sunna. Il a expliqué tout cela. Il a dit l'intérêt de Maslahatul Mahjour, l'intérêt de celui à qui on fait le Hajj. C'est-à-dire, est-ce que ça va le faire revenir sur son erreur? Le deuxième, l'intérêt de celui qui va lui faire le Hajj, Maslahatul Hajj, c'est-à-dire pour se préserver lui-même. Toi, quand tu fais le Hajj à quelqu'un, quand tu t'éloignes de quelqu'un, hein, c'est aussi pour te préserver toi de son erreur et de son égarement. Peut-être qu'il va te rapporter des ambiguïtés, tu vas finir parfois par tomber dans son égarement et dans son innovation. Troisièmement, lorsqu'il a expliqué l'intérêt des autres, c'est-à-dire que peut-être les autres, lorsqu'ils vont te voir toi marcher avec cette personne, ils vont penser du bien de cet innovateur. Ils vont penser du bien de cet innovateur, et quoi? Et ils vont le suivre également dans son innovation. Et le quatrième intérêt, l'intérêt de la religion, qui est que quoi? Qui est l'intérêt de quoi? De pratiquer cette adoration qui est le Hajj, dans laquelle il y a quoi? Il y a l'élévation de la religion et de la sunna, et le rabaissement de l'innovation et de l'égarement. Et le shir, à la fin de cette explication, il a dit quoi? Et il n'est pas une condition que ces quatre intérêts, hein, se concrétisent. Mais un seul d'entre eux suffit pour pratiquer le Hajj. C'est-à-dire, tu ne dois pas te dire, donc moi pour que je fasse le Hajj à quelqu'un, il faut que lui, ça améliore sa situation, et que moi ça me préserve, et que ça préserve la communauté, et que quoi, et que, il y ait l'intérêt de la religion dedans. Non. Un seul de ces quatre intérêts suffit pourquoi pour pratiquer le Hajj. Ceci était l'explication de Cheikh Souleymane al-Ruhayli, Hafizahullah. Donc le Cheikh là nous dit que ces gens-là, certains nous disent qu'on doit regarder que l'intérêt de quoi? De celui à qui on va faire le Hajj. Et ceci est faux, معشر الإخوان احذروا هذا واحذروا من يقول هذا القول. Donc chers frères, prenez garde à cela et prenez garde à ceux qui disent ces paroles-là. وقرأوا في كتب أئمة السنة ولله الحمد هي بين أيدينا. Et lisez dans les livres des grands savants de la Sunna. Et Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, ces livres-là sont entre nos mains. Ils ont été édités et propagés. اقرأوا هذه الكتب السنة لأحمد ولعبد الله بن أحمد. Comme le livre de la Sunna de l'imam Ahmed ou de son fils Abdullah ibn Imam Ahmed. Également la Sunna d'Ibn Abi Asim, la Sunna d'Ibn Abi Asim. Également le livre Al-Sharia l'Ajurri, le livre Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri. Et كذلك شرح أصول الاعتقاد للالكائي. Également le livre de l'explication des bases de la croyance de l'imam al-Lalakai, wal-Ibana, al-Sughra wal-Kubra ibn Battah, et le livre al-Ibana, l'éclaircissement de ibn Battah, wa ghayriha min kutub sunan al-Aqaid, et bien d'autres parmi les livres de la sunna dans la croyance. Ituni bihafin wahid. يتون بحرف واحد فيها على خلاف هذا الذي ذكرت حتى نتبعكم على ما تقولون من هذا القول الباطل المنكر. Apportez-nous ne serait-ce un mot dans ces livres-là, les livres des pieux prédécesseurs, les livres des salafs sur la sunna, les livres des grands imams de la sunna, dans lesquels se trouve la croyance des gens de la sunna et la voix des gens de la sunna, la voix des salafs, elle se trouve dans ces livres-là. Avant que Rabi existe, Rabi al-Makhali, comme la Nioulet, avant qu'il naisse, avant que Rabi al-Makhali naisse, avant que Ahmed al-Najmi naisse, avant que tous ces grands savants que nous avons connus à notre époque, Ibn Baz al-Albani, Ibn Uthaymin, Muqbil, et d'autres, avant que tous ces savants existent, Alhamdulillah, la voix des salaf avait déjà été éclaircie et quoi? Et inscrite dans des livres. فَمَنْ كَانَ سَلَفِيًا حَقَّ فَلْيَرْجِعْ إِلَى هَذِهِ الْكُتُبِ. Donc celui qui est réellement salafi, qu'il revienne à ces livres-là. وَلْيَقْرَأْ فِيهَا. Et qu'il les lise. Et qu'il voie quelle était la voix des salaf. Tous ces chuyours. Et combien de fois, Cheikh Rabi'a, je l'ai entendu dire Bainana wa bainakum kutubu salaf. Entre vous et nous, il y a quoi? Il y a les livres des salaf. Si ce que je fais, vous le trouvez dans les livres des salaf, alors vous devez me suivre. Non pas parce que c'est moi, mais parce que je suis sur la voie des salaf. Et vous devez me respecter. Et si jamais je contredis ce qu'il y a dans les livres des salaf, alors à ce moment-là, vous pouvez me critiquer. La mujamala fi dinillah. Il n'y a pas de complaisance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu te dis salafi, avec le ya, ya al-nisba, si tu t'apparentes au salaf, donc tu dois revenir au salaf. Si jamais tu n'arrives pas à comprendre la divergence qu'il y a aujourd'hui entre les savants, moi je ne comprends plus rien. Beaucoup de frères se plaignent aujourd'hui. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. On entend tout et n'importe quoi. Un tel nous dit qu'il faut faire ça et l'autre nous dit le contraire. Un tel nous dit que telle personne est bien et l'autre nous dit que telle personne n'est pas bien. Entre vous et nous, il y a quoi? Il y a les livres des salafs. On va revenir aux qawaïd des salafs. On va revenir aux règles que les salafs ont établies. La Rabi'a, c'est pas Cheikh Rabi'a qui a ramené ces qawaïd, ces règles-là. Hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et qu'il préserve tous nos savants. règles-là, elles ont été établies à l'époque où Rabi n'était même pas un fœtus. Elles ont été établies à une époque où le grand-père de Cheikh Rabi n'avait même pas rencontré la grand-mère de Cheikh Rabi. Revenez à l'an 300, l'an 400 de l'Égypte, il y a 1000 ans. Revenez 1000 ans en arrière et regardez ce qui est écrit dans les livres de ces salafs. Si toutefois vous êtes des salafis. Amma, c'est quoi? Quant au fait de dire je suis salafi sur la langue, mais je ne connais rien du minhaj des salafs. Je n'ai pas lu qu'est-ce que les salafs ont écrit. Et quelles sont les règles qu'ils ont établies. Cette prétention ne sera d'aucune utilité. Est-ce que quelqu'un qui dit je suis musulman, mais il ne connaît rien de l'islam, même pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, est-ce que cette personne-là c'est un musulman? Il dit moi je suis musulman. Puis il dit, Tayyib, c'est quoi la charada? C'est quoi le témoignage de foi? Il te dit je ne sais pas. Tayyib, l'islam il hal. C'est quoi cet islam? Fakadalik, man yakoun ana salafi. De la même façon, celui qui dit je suis un salafi, mais il ne connaît rien des bases sur lesquelles ce menhaj a été fondé. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas étudiés, on ne lui a pas enseigné, on ne lui a pas rapporté. Cette personne-là, sa prétention qu'il est salafi, ne lui est d'aucune utilité, jusqu'à ce qu'il croit qu'il apprenne le menhaj des salafs et qu'il l'applique. Wa kama ta'lamoun anna ad-din wal iman qawlun wa amal wa i'tiqad. Et comme vous le savez tous, la religion et la foi, elle est composée de quoi? De paroles et d'actes et de croyances. Wal manhaj as-salafi, as-salafiyya, innama hiya ad-din al-haq alladhi unzila 'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et as-salafiyya, ce n'est rien d'autre que quoi? Que la religion authentique qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فالسلفية كما أن الإيمان وكما أن الدين قول وعمل واعتقاد فكذلك السلفية قول وعمل واعتقاد. De la même façon que l'islam et la religion, de la même façon que la religion est composée de paroles, d'actes et de croyances, de la même façon la salafia est composée d'actes, de paroles et de croyances. Au Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait dans son Majmou' al-Fatawa, il explique, c'est dans une réplique à un innovateur, et il dit il y a certaines personnes. Et je résume, il a mis sa parole. Si je ne me trompe pas, pour ceux qui veulent noter la référence, c'est dans le volume 4. Si je ne me trompe pas, c'est dans le volume 4, vers les pages 160. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, en résumé, certaines personnes, il y a certaines personnes qui s'affilient à la voie des salafs, alors que quoi? Alors qu'ils ne se basent pas sur quoi? Sur les traces que les salafs ont laissées. Mais simplement parce qu'ils ont dit quoi? Qalu madhhab as-salaf la yakunu illa sawaban wa qawli sawab fa qawli huwa madhhab as-salaf. Ou yakun, afwan, qawli huwa as-sawab. والسلف لا يقولون إلا الصواب فهذا مذهب السلف. Il dit que ces gens-là, comment ils sont arrivés à cela? Ils disent moi je suis, ma parole c'est vrai, c'est la vérité. Et les salafs, ils ne disent que la vérité. Donc ma parole c'est la parole des salafs. Comme ça, il s'est imaginé que lui, sa parole, il pense que sa parole elle est vraie. Non. Il n'est pas revenu. À ce que les salafs ont écrit, hein, pour vérifier que sa parole était vraie ou pas. Donc lui, il pense que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et il dit, la voix des salafs, c'est la vérité. Donc, c'est ça la voie des salafs, c'est ma parole. Et à la suite de ça, Cheikh al-Islam, il dit quoi? Il dit, à la suite de ça, il dit à la suite de ça, Cheikh al-Islam, cette personne-là, il s'est critiqué lui-même sans s'en rendre compte. حيث انتحى مذهب السلف بزعمه من غير أثار عنهم. Pourquoi? Parce que il a suivi, soi-disant, dans son imagination, il a suivi la voie des salafs sans se baser sur quoi? Sur des traces que les salafs ont laissées. Il n'a aucune preuve que ce qu'il a dit ou ce qu'il fait, c'est la voie des salafs. Et il s'imagine cela. Donc, il dit, c'est une contradiction. Il dit, je suis la voie des salafs, mais en réalité, il n'a rien. Sur quoi il se base, sur lequel il s'appuie dans cette prétention. Et il dit, à la suite de ça, ensuite, sur l'islam, وَهَذَا الَّذِي جَعَلَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَى يَنْتَسِبُونَ إِلَى السَّلَفِ أو كَثِيرًا مِنَ الْمُبْتَدِعَى يَنْتَسِبُونَ إِلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de gens de l'innovation, que beaucoup d'innovateurs se sont affiliés à la voie des salafs. C'est qu'ils ont pensé que leur parole c'était la vérité, et ils ont dit la voie des salafs c'est la vérité, et ils n'ont pas recherché, ils n'ont pas revenu au livre que les salafs ont laissé, mais ils ont dit, moi c'est la vérité, la voie des salafs c'est la vérité, donc ma parole c'est la voie des salafs. Et c'est ça donc qui les a induits en erreur. Voilà. Bon. Donc le chir, il nous dit là, apportez-nous un seul mot, une seule phrase dans les livres des salafs qui contredisent nos paroles. Contredites ce que je viens de dire. Et il n'y a pas de problème, nous vous suivrons dans cela. Et malheureusement, il dit, وللأسف أصبح من يتبدع بمثل هذه الأقوال أصبح هو العالم وهو المعتدل وهو المتوسط وهو المتعقل إلى غير ذلك من الألقاب حتى يغر الناس بمقاله. Et malheureusement, il dit, ces gens qui osent dire ce genre de paroles, comme quoi qu'il n'y a plus de hajj, ou que le hajj ne doit pas être fait plus de 3 jours, ou que comme quoi le hajj n'est applicable que s'il y a un intérêt pour celui à qui on fait le hajj, les gens qui disent ce genre de paroles, le cheikh vous dit, malheureusement aujourd'hui, ces gens-là, c'est eux qui sont présentés comme étant, on dit d'eux, ce sont des savants, ce sont des gens du juste milieu, ce sont des gens qui n'exagèrent pas, ce sont des gens raisonnables, etc., etc. Tout ça pourquoi? Pour tromper les gens avec leurs paroles. Wa hadhihi baliyatun 'azima. Nasha'a minha 'inda ba'd an-nas kull as-salafiyyin. Et ça c'est une grande catastrophe qui touche la Ummah. C'est une grande catastrophe à la suite de laquelle on a trouvé maintenant que quoi? Que des gens, pour des gens, on est tous salafis. Le tekfiri indahum asbaha salafi. Le tekfiri pour eux c'est un salafi. Wa l'ikhwani asbaha salafi. Et le ikhwan, c'est devenu un salafi. Wa tabliri asbaha salafi. Et le tabliri, c'est devenu un salafi. Wahatada, kul mashit, et ainsi de suite. Dis autant que tu veux, kulluhum salafiyyun. Dis ce que tu veux, ce sont tous des salafis. Wal mawqi', kullu salafiyyin. Et le site, il s'appelle comment? Le site, kullu salafiyyin. Qui est le site de Ali Hassan al-Halabi. الذي اتفق على بدعته وانحرافه كثير من أهل العلم. Celui sur qui beaucoup de gens de science sont tombés d'accord sur son innovation et sur son égarement. Alors, celui de Michel, l'Al-Hassan, à titre d'exemple, et non pas pour citer tous les noms de tous ceux qui ont déclaré que Ali Hassan était devenu un innovateur. Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, le Mufti d'Arabie Saoudite Ali Cheikh. Wa Cheikh Abdullah ibn Rodeyan, rahmahullah. Cheikh Rodeyan. Wa Cheikh Saleh al-Fawzan. Wa Cheikh Ahmed al-Najmi. Wa Cheikh Zayd al-Madkhali. والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم et d'autres encore. Tous ces noms-là que je viens de citer, ce sont tous des savants, des grands savants de l'islam et de la sunna qui ont dépassé les 70 ans. Ils ont dépassé les 70 ans. Ils sont tous unanimes sur quoi ? Sur le fait que Ali Hassan est un innovateur. Il ramène les preuves là-dessus. Donc qu'est-ce qu'après cela, on peut dire, oui, mais tel shir dit de lui que ce n'est pas un moutadir. Masha'Allah. Il t'a délaissé les paroles de toutes ces grandes montagnes de science. Et ceux qui ont déclaré l'innovation d'Ali Hassan, si on les comptait, ils dépassent la vingtaine, voire la trentaine de grands savants. Hein, tu as délaissé toutes ces personnes-là et tu as été accroché à la parole d'un savant qui a dit une parole globale, générale et qui ne connaît peut-être pas les détails de ce qui est reproché à Ali Hassan. Ali Hassan, il fut une époque où il était avec Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a resté souvent avec Cheikh Al-Albani, rahmahullah, et les chouyours attestent qu'il était bien à cette époque-là, même dans ses écrits. Mais malheureusement, il a dévié du droit chemin. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé à avoir des relations avec certaines associations de bienfaisance. Jam'iyya Ihya al-Turaf, l'association Ihya al-Turaf au Koweït. Iyakum wa hadhihi al-jam'iyya. Je vous mets en garde, tout comme nos savants nous ont mis en garde contre cette association qui en apparence se dit Jam'iyya Khayriya, une association de bienfaisance, mais en réalité, au fil haqiqa, hiya jam'iyya hizbiyya. En réalité, c'est une association, sectariste. Donc sectaire. C'est une association sectaire. Idem, يقول الشيخ يحتمل هؤلاء جميعا الى اهل السنه. Ces gens-là, ils supportent tous ces gens-là. Ils supportent les Ikhwan, ils supportent les Tekfiri, ils supportent les Tabliri, ils supportent les Soufis, les Ash'ari. Ils supportent tout le monde, sauf les Salafis. Les Salafis, non. Vous êtes trop dur. Lorsqu'elle rentre dans l'âme, elle emmène celui qui a cette passion, elle l'emmène à quoi? Elle l'emmène au mensonge, elle l'emmène à l'orgueil et à rejeter la vérité, elle l'emmène à quoi? À l'ignorance. Et هذه ثلاثة ظلمات, elle l'emmène dans ces trois ténèbres. لأن المقصد ليس هو وجه الله والدار الآخرة. Car quoi? Car celui qui est empris de passion, hein, eh bien, son intention n'est pas sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne recherche pas Allah et la récompense de l'au-delà. وإنما مقصده نصرة ما هو عليه مما بقي فيه أو وقع فيه من الباطل. Son intention n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne recherche pas la satisfaction d'Allah. Mais il recherche quoi? Il recherche à légitimer ce sur quoi il est, le chemin sur lequel il est. Il cherche des excuses pour légitimer son acte et sa voie. فاحذروا هذا يا أبنائي غاية الحذر. Prenez garde à cela, chers frères. وحذروا منه. Et mettez en garde contre cela. عدم الإخلاص. واعلموا أن ما حفظت السنة ولا طريقة أهل السنة بشيء أعظم من هجر أهل الأهواء والبدع وبغضهم ومجادلتهم. Et sachez que la Sunna et la voix des gens de la Sunna n'a pas été préservée par une chose plus grande que quoi? Que le fait de s'écarter des gens de l'innovation et de la passion et de les détester et de s'en écarter. وأما الشرط الثاني فهو الاتباع. Quant à la deuxième condition pour que les actes soient acceptés, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلا بد أن يكون العبد حريصا على تصحيح عمله. Donc, l'homme doit être, doit s'efforcer, doit faire des efforts. Pourquoi? Pour corriger ses actes afin qu'ils soient conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, alors écartez-vous-en. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par mon Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leur dispute, puis qu'ils ne trouvent, puis qu'ils ne ressentent aucune gêne dans leur cœur pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent entièrement à ta sentence. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Et Allah également nous dit, dit, il envoie le prophète en lui dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'. Le prophète sallam a dit, si mon frère Moussa, le prophète Moussa alayhi salam, serait vivant, il n'aurait pas d'autre alternative que quoi? Il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés. Tenez-y fortement, tenez-y fermement, et mordez-y à pleines dents, et méfiez-vous des nouveautés en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation. Donc, ces textes que je viens de citer, le cheikh nous dit, ils ont réuni deux choses. الأول أنه لا يمكن أن يتم إيمان عبد حتى يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسنته ويسير على طريقته. Donc la première des choses, que nous, le premier des enseignements que nous tirons de ces versets, de ces hadiths que je viens de citer, c'est que quelqu'un ne peut pas compléter la foi jusqu'à ce que quoi, jusqu'à ce qu'il suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prenne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il marche sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والأمر الثاني أن السير على سنته والأخذ بها واتباع طريقته هذا هو الدليل الصحيح على صدق دعواه بمحبته صلى الله عليه وسلم. La deuxième des choses, c'est que quoi? C'est que le fait de suivre la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et de l'apprendre et de suivre la voie du prophète صلى الله عليه وسلم, ceci est la preuve authentique de quoi? Cette personne est véridique parce qu'il dit qu'il aime Allah et qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa min sunnatihi kama sami'na al hatha ala lujum al sunna, et fait partie de sa sunna, comme dans le hadith qui a précédé, le fait de quoi, de s'approcher à sa sunna. Wa tahdhir min al ahwa wal bid'ah, et la mise en garde contre les innovations. Fa innahu alayhi salatu wa salam لم يكتفي بأمرنا أن نأخذ بسنته فقط بل حذرنا من اتباع ما خالفها وهو البدع. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de nous ordonner de suivre et de prendre sa sunna, mais il a rajouté à cela quoi? Également, il nous a mis en garde contre quoi? Contre ce qu'il a contredit, qui sont les innovations. فالذي يدعو إلى السنة فالذي يدعو إلى السنة ولا يحذر من البدع وأهلها فهو على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui appelle à la sunna et qui ne met pas en garde contre les innovations et contre les gens de l'innovation, eh bien cette personne-là, il contredit la voie du prophète صلى الله عليه وسلم. فالكلام في أهل البدع والتحذير منهم في هذه الأزمان وقبل ذلك اتباع لطريقته صلى الله عليه وسلم. Donc le fait de parler, de critiquer les gens d'innovation, de mettre en garde contre eux à notre époque, et avant cela, ceci fait partie quoi? Fait partie du suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. فإنه قد حذر من البدع وأهلها قبل حدوثها. Alors le prophète a mis en garde contre les innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations et contre les gens d'innovation avant qu'elles n'arrivent. فَكَيْفَ بِنَا وَقَدْ حَدَثَتْ وَتَعَدَّدَتْ فِي زَمَانِنَا هَذَا. Alors que dire à notre époque dans laquelle les innovations se sont multipliées? إِنَّ الْوَاجِبْ أَنْ يَحْذَرَ الْإِنسَانُ مِنَ الْبِدَعْ وَيُحَذِّرَ مِنْهَا وَيَتَمَسَّكَ بِالسُّنَّةِ وَيَأْوِيَ إِلَى أَهْلِهَا. Donc il est une obligation pour celui qui recherche le salut, de prendre garde aux innovations et de mettre en garde contre les innovations. Il lui incombe également de s'approcher à la sunna et de s'allier aux gens de la sunna. Celui qui est sur cette voie-là, il est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا إلى